Il était léger en sortant de là, ne doutant pas que la maréchale ne devienne bientôt sa maîtresse. Ce désir en éveilla un autre, et malgré l'espèce de rancune qu'il lui gardait, il eut envie de voir Madame Arnoux. D'ailleurs, il devait y aller, pour la commission de Rosanette. Mais à présent, songea-t-il, 6 heures sonnaient. Arnoux est chez lui, sans doute. Il ajourna sa visite au lendemain. Elle se tenait, dans la même attitude que le premier jour, et cousait une chemise d'enfant. Le petit garçon à ses pieds jouait avec une ménagerie de bois. Marthe, un peu plus loin, écrivait. Il commença par la complimenter de ses enfants. Elle répondit, sans aucune exagération, de bêtises maternelles. La chambre avait un aspect tranquille. Un beau soleil passait par les carreaux, les angles des meubles reluisaient, et comme Madame Arnoux était assise auprès de la fenêtre, un grand rayon, frappant les accroche-cœurs de sa nuque, pénétrait d'un fluide d'or sa peau ambrée. Alors il dit, « Voilà une jeune personne qui est devenue bien grande depuis 3 ans. Vous rappelez-vous, mademoiselle, quand vous dormiez sur mes genoux dans la voiture ?» Marthe ne se rappelait pas. « Un soir, en revenant de Saint-Cloud. » Madame Arnoux eut un regard singulièrement triste. Était-ce pour lui défendre toute allusion à leur souvenir commun? Ses beaux yeux noirs, dont la sclérotique brillait, se mouvaient doucement sur leurs paupières un peu lourdes, et il y avait, dans la profondeur de ses prunelles, une bonté infinie. Il fut ressaisi par un amour plus fort que jamais, immense. C'était une contemplation qui l'engourdissait. Il la secoua pourtant. Comment se faire valoir? Par quels moyens? Ayant bien cherché, Frédéric ne trouva rien de mieux que l'argent. Il se mit à parler du temps, lequel était moins froid qu'au Havre. « Vous y avez été ?»« Oui, pour une affaire de famille, un héritage. »« Ah, j'en suis bien contente, » reprit-elle, avec un air de plaisir tellement vrai qu'il en fut touché comme d'un grand service. Puis elle lui demanda ce qu'il voulait faire. Un homme devant s'employer à quelque chose. Il se rappela son mensonge et dit qu'il espérait parvenir au Conseil d'État grâce à M. d'Ambreuse, le député. Vous le connaissez, peut-être? De nom, seulement. Puis, d'une voix basse, il vous a amené au bal l'autre jour, n'est-ce pas? Frédéric se taisait. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Ensuite, elle lui fit 2 ou 3 questions discrètes sur sa famille et sa province. C'était bien aimable d'être resté là-bas si longtemps, sans les oublier. Mais le pouvais-je, reprit-il, en doutiez-vous? Madame Arnoux se leva. Je crois que vous nous portez une bonne et solide affection. Adieu. Au revoir.